franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Nous partons au soleil de Montpellier, Philippe. Sais-tu, Marga, que la renommée de son université de médecine, probablement la deuxième plus ancienne d'Europe après celle de Salerne en Campanie, est déjà immense à la fin du XIIIe siècle, grâce à la valeur cosmopolite de la ville qui accueillait des savants de toutes les confessions. Et alors, petite anecdote qui mérite d'être soulignée, le 13 février 1941, le maréchal Pétain, accompagné de l'amiral Darlan, rencontre le général Franco à Montpellier, figure-toi. Et il y a sans doute, quelque part dans la jolie ville de Montpellier, au détour d'une ruelle, une plaque, une fontaine ou bien une statue de Franco ou de Pétain commémorant cet événement historique. Non, il n'y a pas de ça ici. Bonjour, je m'appelle Noé et j'ai 18 ans. Ah bon, il n'y a même pas un lycée Franco ou une MJC Pétain? Non, moi c'était le lycée Jean Mermoz. C'est pas vrai. Moi aussi, j'étais au lycée Jean Mermoz, mais de Buenos Aires. Alors bonjour quand même, bonhomme. Oui, bonjour. Alors, comment t'appelles-tu? Noé. Alors Noé, qu'est-ce qui t'amène? Voilà, je vous appelle parce que cette année, j'ai intégré Polytechnique à l'université Montpellier 2. Mmh. Et c'est assez difficile. Eh oui, c'est difficile, les études supérieures, et je suis bien placé pour t'en parler. Non, mais j'ai pas de problème avec mes études, j'ai toujours été un bon élève. Ah bon. Eh bien, tant mieux pour toi. Non, ce qui me pose problème, c'est plutôt une difficulté à me faire des amis. D'accord. Alors, tu appelles pour un problème physique ou psychique? Ah ben non, psychique. Ben oui, mais ça aurait pu être un problème physique. T'aurais pu avoir du mal à te faire des amis parce que tu es roux, par exemple. T'es pas roux? Non, je suis châtain bouclé. Ouais, t'es bouclé quand même. Et alors, c'est depuis la fac, ce problème ou bien c'était déjà comme ça aussi au lycée Jean Mermoz? Bah, c'était comme ça au lycée, mais je pensais que ça changerait à la fac. Depuis que je suis ado, j'ai vraiment l'impression d'être transparent, que j'existe pas. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui? Donc je vous disais que j'avais l'impression d'être transparent et de pas exister. Quand ça? Bah, depuis que je suis ado. Oui, non mais bonjour monsieur, mais quand est-ce que vous nous avez dit que vous aviez l'impression d'être transparent? Là, tout de suite? Ah bon? Oui, puis je sais pas comment faire pour que ça change. Pour m'intégrer à certains groupes, j'ai l'impression de pas avoir une personnalité assez forte. Oui, mais ça, c'est plutôt un avantage. Quand on part de rien, du vide, on peut s'adapter plus facilement aux gens qu'on a envie de séduire. Avec quel type d'étudiants tu aimerais être ami quand tu les vois comme ça, rire, être heureux entre eux, sans toi? Bah, y a pas de type particulier, j'aimerais juste me faire des amis. Mais je travaille beaucoup, j'ai l'impression d'être le rabat-joie premier de la classe à lunettes qui intéresse personne. Ah, d'accord, bon. Je vois très bien ton profil psychologique, Noël. C'est un petit peu tout bête ce que je vais te dire, mais ça marche. Alors d'abord, tes lunettes, hop, à la poubelle. Hein. Et puis, il y a mille et une façons de provoquer le rire de tes camarades. Par exemple, t'enfiles ton caouet uniquement par la capuche en laissant flotter le reste du vêtement, comme une cape, et puis tu cours dans les couloirs. Tu ôtes la chaise d'un enseignant prêt à s'asseoir et patatras, le voilà à terre, hilarité garantie. Des jets d'encre du porte-plume sur la blouse du professeur de chimie, dès qu'il tourne le dos, hop. Des boulettes de papier mâché que tu propulses à l'aide d'un bic dont tu enlèves la recharge. Tu mets du poil à gratter dans les duffelcoats de tes camarades. Non, mais c'est pas du tout le genre de choses que je veux faire. Enfin, je suis quelqu'un de très réservé. Ah oui, bah, faut y mettre du tien aussi, hein. Oui, tu sais, bonhomme, si tu sens pas l'humour, hein, il faut éviter. Alors, je te conseille de faire de ton isolement un avantage. Reste dans ton coin, mais entoure tout ça d'un mystère mystérieux. Assieds-toi tout seul au fond de l'amphi, grave-toi des inscriptions bizarres, type croix celtique sur l'avant-bras avec la pointe de ton compas, mange ton pot de colle, tes crottes de nez, rase-toi le crâne, hein, débarrasse-toi de ces boucles un peu trop romantiques, pose un iguane sur ton épaule ou un rat, bref, enfin, crée-toi une vraie personnalité et tu verras que très vite, tu vas attirer à toi des gens qui te ressembleront. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Ah bon. J'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre qui me correspond pas du tout. Ce que je voulais, c'est réussir à affirmer qui je suis profondément et à me faire apprécier pour ça. Qu'on arrête de passer à côté de moi sans me voir et sans m'entendre. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, eh ben, tu dis rien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de nos solutions ? Ben, je viens de vous répondre. Quand ? Ben là. Non, bah dis donc. Mais est-ce que ce désir d'être aimé comme ça par tout le monde ne reflèterait pas une personnalité et un tantinet égocentré ? T'es un bon élève, soit, mais ton excellence t'a rendu trop cérébrale. Reviens aux fondamentaux. Hein, moi, ce que je te conseille, c'est de partir dans les bois, sans livre, juste avec ton opinel. Installe-toi au bord d'une jolie rivière, fabrique un petit radeau avec des petits bouts de brindilles liés entre elles par de longues herbes, taille une pipe dans les roseaux. Hein ? Non. Bon. Taille un pipeau dans un roseau et joue-en devant les quelques petites saucisses que tu auras fait griller sur de grosses pierres chaudes. Ne passe pas à côté des choses simples. Et surtout, amuse-toi. Bon, en tout cas, nous, on t'a entendu et même écouté. Voilà. Au revoir, Noémie. Au revoir. C'est bon de sentir qu'à notre bien modeste niveau, nous avons peut-être contribué à rappeler à cette petite Noémie qu'elle est beaucoup moins transparente qu'elle ne le croit et qu'on a su voir qui elle était vraiment. Et oui, mais la perception qu'on a de soi est parfois très complexe, hein, surtout chez les jeunes filles. C'est vrai. Merci Margaret. Merci Philippe. Merci Yann Chouquet. Merci à nos fidèles auditeurs d'être aussi fidèles. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.